La découverte. Après une journée de travail, plongée dans un vrai kaléidoscope d'activités visant à la pluralité des secteurs de développement de la vie moderne, les frères mineurs reviennent de leur travail, l'un après l'autre, pour le dîner, dans le but de récupérer de nouvelles énergies pour le lendemain. Plongé dans les habitudes de la règle, fils de la terre, le franciscain de Rio Grande do Sul, comme d'autres citoyens, se repose, en sirotant son maté, après avoir pris une douche régénératrice. Pendant que le petit bol de maté amer passe d'une main à l'autre, selon la tradition, une fortifiante causerie commence, concernant les arguments les plus différents, la théologie, la philosophie, la politique, les partis, le gouvernement, la sociologie, la paroisse, l'église, l'ordre, la province, l'œcuménisme, le temps, les faits divers, la corruption, l'avortement, le contrôle des naissances, le tiers-monde, les multinationales, le football, etc., etc. Un jour, pareil à tant d'autres, le rituel se répétait, mais le sujet en question est le développement de la science, ses effets et ses conquêtes surprenantes. Le fil conducteur de cette causerie se déroule autour du fait incroyable, mais vrai, qu'en ce moment de grandes quantités de sommes d'argent sont destinées à la constitution de fonds ou de ressources dans le but d'encourager les études sur la guérison du cancer. Après différentes considérations sur ce thème, tout à coup apparaît Père Arnaud Récrigel, le nouveau père provincial, élu dans cette fonction après avoir travaillé dans la paroisse de la banlieue de la ville. Comme s'il était muni d'une baguette magique, il a un atout maître, il affirme posséder la solution du problème, et cela surprend remarquablement ses interlocuteurs attentifs. Certes, mes amis, on peut guérir du cancer. Oui, c'est vraiment cela. Pour le peuple de la banlieue, le cancer n'est pas un problème. Ou plutôt, c'est un problème, mais on sait comment le résoudre. Mais comment, réplique le plus intéressé du petit groupe. Là-bas, à Rio Grande, dans le bidonville où j'ai travaillé pendant quelques années, j'ai assisté, pour ainsi dire, tous les jours, à la guérison de personnes modestes frappées par le cancer. Je pourrais citer le cas d'une vieille dame de couleur ayant un cancer de la peau. Son traitement complété, elle vit toujours dans sa baraque, où elle conduit une vie normale. Mais ce n'est pas possible. Était-ce vraiment un cas de cancer, le sien? Un vrai cancer déclaré par des examens médicaux. Je vous cite aussi le cas d'une personne humble, sans rien. Je pourrais citer, encore, la guérison de personnes fameuses, qui se sont soumises au même traitement. Nous sommes au courant de personnes de renommée nationale, qui ont obtenu la guérison de leur maladie, après avoir utilisé le même traitement de la vieille dame de couleur de la ville maritime. Cette méthode guérit, de la même façon, des pauvres sans nom ainsi que des gens fameux, sans distinction. Il est utile à n'importe qui. La nature n'a pas de préférence. Elle répond à tout le monde et n'importe qui peut se servir d'elle. Écoute, mon ami, mais quelle formule magique est-ce celle-ci, qui guérit le cancer? Raconte-nous vite comment les gens de la banlieue, là-bas, à Nueva Domar, pratiquent la guérison des cancers. Je voudrais bien souligner, qu'il ne s'agit pas d'une formule magique, de la façon la plus absolue. Elle est par contre, très simple. Bien plus simple qu'on ne peut imaginer. Simple. Économique. Naturelle. Seulement et malheureusement personne, ou presque ne la connaît ou bien n'y croit. Mais si elle est si simple, économique et naturelle, expliquerions vite cette formule, je suis curieux de la connaître. Et puis encore, le jour où je saurai qu'une personne est malade du cancer, je lui conseillerai cette formule magique. Et en plus, j'en deviendrai son plus grand divulgateur, afin que personne ne meure jamais plus de ce mal inexorable. Je le répète, c'est très simple, dans le bidonville tout le monde connaît cette formule. Là-bas, personne ne meurt de cancer, parce que la recette est transmise oralement à quiconque peut être intéressé. Ce n'est pas, surtout, un secret. Dans le bidonville, de cancer, ne meurt que celui qui le veut. Lorsque la maladie est diagnostiquée, tout le monde connaît la voie d'issue, la solution. Et c'est à elle qu'on s'adresse. Quelle merveille, mais, mon Dieu, explique-moi cette formule bénie. Je l'ai déjà dit, je meurs d'envie de la connaître. La voici, un demi-kilo de miel d'abeille, deux feuilles d'aloès, trois ou quatre cuillerées d'eau de vie. Explique-toi mieux. Je n'ai plus rien à expliquer ni à adjoindre. Ce n'est que ce que tu viens d'entendre. On enlève les épines le long du bord des feuilles, ainsi que toutes les autres impuretés, que la nature peut y avoir déposées. On met les trois ingrédients, miel, aloès, eau de vie, dans le mixeur. On le passe bien au mixeur jusqu'à en obtenir une crème légère. Et voilà le mélange qui guérira du cancer. Mais, mon cher, c'est la chose la plus sérieuse. Mais nous ne plaisantons pas du tout. Et si tu penses que je suis en train de plaisanter ou bien de me moquer de toi, je t'invite à rendre visite au peuple de notre bidonville à Rio Grande. Là-bas, tu pourras interviewer la vieille dame de couleur, une femme sage, humble, guérie elle aussi grâce à cette formule. Et quand faut-il prendre ce mélange? Une cuillerée au petit déjeuner, un autre au déjeuner et le troisième au dîner. Toujours avant les repas, plus ou moins 10, 20 ou 30 minutes auparavant. Bien agiter le pot avant de prendre le contenu. conservée dans le réfrigérateur, dans le rayon des légumes. Mais, dis-moi un peu, si cette formule est si efficace ou miraculeuse, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tellement diffusée? Elle devrait être annoncée dans le monde entier. On devrait acheter des espaces publicitaires dans les mass médias, dans les programmes ayant le maximum d'écoute pour diffuser la découverte afin que personne, sur la Terre, ne devienne une victime de cette implacable maladie. C'était vraiment aussi simple que l'œuf de Colomb, mais il y a d'autres intérêts en jeu, qui empêchent la diffusion de cette découverte fort importante. Le cancer doit continuer à supprimer des hommes. Et en plus, une fois la maladie guérie, l'on perdrait une riche source de gains. Le cancer, comme anticonceptionnel, se révèle utile pour contenir le nombre des pauvres dans le monde, et pour garantir ainsi une tranche plus grande de la tarte sur la table des riches. Malheureusement chez nous, au Brésil, les riches seulement se trouvent dans la condition de pouvoir affronter un traitement long et coûteux, même sophistiqué. Les pauvres, disposant de ressources limitées, s'ils sont frappés par un cancer, doivent mourir. C'est la politique de ceux qui commandent sur la planète. À ce point le dialogue s'est interrompu, puisque le signal convenu, invitait la communauté à la prière des Vépreux de l'après-midi. L'un des moines, toutefois, a appris par cœur la formule, et il s'est dirigé vers le cœur, bien décidé à la diffuser, coûte que coûte. Pendant que dans le cœur les moines chantaient les Vépreux, la prière officielle de l'église, dans la cuisine du provincial à Madame Pauline, préparait le beefsteak saignant à l'oignon qui, avec le riz produit là-bas, et de différentes espèces de salades et des fruits, constitue le modeste dîner du frère mineur, à Rio Grande do Sul. Par son métier Madame Paulina aussi, célèbre sa propre liturgie, laquelle devrait monter doucement, comme celle des moines chantant les psaumes, jusqu'à la présence de Dieu.